La clairvoyance par Charles-Henri Hirsch. Algernon Baylord était né aveugle dans une aristocratique demeure de Londres. Tout ce que la richesse permet à l'amour des parents contre l'affliction d'un tel malheur avait choyé l'enfance et la jeunesse de l'infirme. À 25 ans, c'était un beau garçon de formes athlétiques, si original, brillant ou profond d'esprit, que sa société attirait les amateurs d'aperçus nouveaux partout où il fréquentait. Les plus jolies femmes le préféraient, sans mêler la moindre émulation de charité à leur choix, et l'on citait quatre jeunes filles qui l'eussent agréé pour mari s'il avait répondu à leur inclination. Presque coup sur coup, il perdit sa mère et son père, demeura seul, sa nuit continuelle, hantée par le tombeau qui venait de les accueillir. C'était un songe amer et singulier que l'aveugle suivait jusqu'à l'obsession. La mort ne lui apparaissait que comme la privation de la vue pour ceux qui en jouirent, et il les plaignait avec effroi. Plus que personne jamais ne l'avait plaint lui-même, ne concevant pas pour eux la plongée infinie dans le silence qui leur représentait l'atmosphère de sa mort. Il médita quelques semaines sur le mode d'attente de la résurrection promise par l'orthodoxie chrétienne, et cela avec une acuité funeste à son état nerveux. Il dut aller vivre en campagnard. Ses fermiers l'intéressèrent à un monde de faits et de soucis que son jugement exact réduisait vite. Les mois printaniers achevèrent sa guérison. Il réintégra son logis de ville avec le sentiment d'un double progrès physique et moral obtenu, dont le bénéfice n'était qu'une étape encore vers l'avenir. Il l'assura à quelques intimes en échange de leurs félicitations sur sa mine florissante. L'un d'eux, qui lui était cher entre tous, tira de l'aveugle cet aveu que le bonheur n'a d'ennemi juré que la ruse. Et Algernon Baylord ajouta, raillant sa native cécité, « Je vais tâcher de me bâtir un bonheur d'aveugle. » L'autre ne comprit que beaucoup plus tard. Chaque jour, on pouvait rencontrer Baylord chez lui, au club ou dans les rares maisons où l'on joue de bonne musique, sans apparat d'épaules nues ni de frac couvert sur la solennelle blancheur des plastrons. Le mercredi, le gentleman devenait invisible. Quand on se répandit l'observation, c'était une vieille habitude déjà. Un parieur, qui avait tenu qu'il découvrirait la loi secrète de cette absence hebdomadaire, perdit un fourron jeu et les subsides qu'il avait versés pour le défendre à la meilleure agence de police privée. Bientôt, l'aveugle disparut deux après-midi par semaine, puis trois. Ensuite, sa livrée ne dit plus s'il était ou non à la maison. Il recevait ou ne recevait pas, voilà tout. La consigne n'acceptait personne. Quand il la leva, il se divertit à prolonger l'impatience des curieux à connaître le mobile de son étrange manière d'être. « Vous verrez bientôt, vous qui avez des yeux pour cela, » dit-il. À la vieille et charmante Lady Charnas, qui aurait pu l'interroger en vertu des droits d'un long dévouement, Algernon Baylord confia. « L'épreuve n'est pas concluante encore. Je vous prierai de m'aider le moment venu. » Un samedi matin, elle arriva chez le fils de son ami d'enfance par lui mander d'une voix qu'elle eut peine à identifier au téléphone. Elle trouva Baylord dans les locks propres d'un mendiant, rasé de frais comme à son ordinaire, mais la chevelure en désordre. « Ne soyez pas trop surprise, c'est mon déguisement d'amoureux. L'auto va nous conduire, je vous expliquerai en roulant. » Quand ils furent installés, « Ma chère Lady, donnez-moi vos mains, comme j'aurais pris celles de ma pauvre mère, et écoutez-moi vous confesser une folie. Sous ce costume, j'ai eu l'idée de découvrir la jeune fille dont je pourrais faire ma femme. » Je crois l'avoir trouvée. J'offre des lacets, depuis quelques mois, au coin d'une rue dans Whitechapel. Mon valet de chambre me donnera tout à l'heure ma marchandise, que je ne vends guère. Et le gobelet d'étain, où les passants charitables jettent quelquefois un penny. C'est ainsi que je suis devenu le pauvre attitré de Miss Lucy Littlebird. Elle m'a dit son nom pour me donner confiance en elle, car elle voudrait que je consentisse à entrer dans un établissement charitable au lieu de subir la rue. Sa voix, chère Lady Charnas, est du cristal et de la douceur. Une seule fois, sa main m'a frôlé le poignet. À travers le gant, j'ai deviné quelle main délicieuse ce doit être. Elle est employée à la succursale de la Banque d'Angleterre, dans le quartier. Aujourd'hui, samedi, elle aura le temps de me parler. Vous nous regarderez de la voiture. Vous viendrez à nous, si vous jugez que cette aventure doit avoir une suite. Quelle suite, mon cher Algué? La suite que Dieu et Miss Lucy Littlebird permettront. Moi, je suis amoureux fou de cette jeune fille, qui m'a si souvent donné six pence. Je crois que nous arrivons. Je calcule à un yard près la distance parcourue. Si vous êtes trop étonné, prenez le temps de vous remettre. Cher vieil ami, vous allez la voir, vous. Vous déciderez de ma vie. Sur une apparence, mon enfant. Mon instinct d'aveugle-né, que vous connaissez bien, vous, ma bonne Lady Charnas, m'a attiré vers elle. La première pièce qu'elle a mise dans mon gobelet a sonné autrement que les autres aumônes. Enfin, mon cœur est engagé, milady. Nous sommes arrivés. Je compte sur vous. Ne tardez pas trop à descendre de l'auto quand vous aurez vu mon amie, si vous pensez qu'elle puisse devenir une Mrs. Baylord après ma mère. La faculté de surprise était trop émoussée chez Lady Charnas par cette insolite révélation pour qu'elle puisse s'émouvoir au déguisement de John, le correct valet de chambre, ni lorsque, plus tard, elle assista à l'abandon de l'aveugle sur le trottoir. Elle songeait avec mélancolie que les gens donnent peu aux pauvres, quand un policeman aborda Baylord. L'entretien paraissait s'animer et elle projetait d'y participer, comme l'agent se retirait, la mine apaisée. L'aveugle presque aussitôt vendit une paire de lacets à une grosse dame en caraco. Ensuite, les passants le dédaignèrent à peu près de même que s'il avait été un candélabre public. De réchef, Lady Charnas avait porté sa vue ailleurs. Un temps si court suffit pour qu'elle retrouvât Algernon transfiguré. Il avait beau être seul, on le sentait en commerce déjà avec celle dont l'approche lui était mystérieusement annoncée. Une fine jeune fille au visage d'archange déposa une offrande dans le gobelet et s'arrêta. Le chapeau, la robe, les bottines disaient une élégance soutenue par l'ordre et l'économie. Les yeux illuminaient la figure de joie et de bonté. Les traits de l'aveugle exprimèrent soudain une inquiétude qui tourna en angoisse. Une irrésistible volonté obligea Lady Charnas à descendre de l'auto et à courir vers le couple. « Mon cher Algué, c'est moi. Je savais que vous viendriez. » Miss Lucy Littlebird, dont je vous ai parlé, milady. Cette dame, Miss Lucy, est Lady Charnas. Elle va me présenter à vous et vous dire « Moi, je ne peux plus parler, en vérité. » Ce fut lui pourtant qui parla dans la voiture. Les deux femmes y pleuraient à cause du bonheur presque surhumain que montrait Algernon Baylord. Ils s'adressaient ensemble à l'une, à l'autre, à ses parents décédés, à son avenir qui allait avoir un but. « Quelqu'un verra pour moi » s'écria-t-il, emporté par l'amour. Il baisait les mains de la jeune fille, il lui toucha les cheveux puis les paupières, et il réunit sur ses lèvres, incapable maintenant d'une parole, le bout de ses doigts qui avaient cueilli les larmes à leur source. « Lucie, ma chère petite Lucie Céleste, je suis si heureux que je crois boire. » Miss Littlebird, d'un regard, implora l'aide de Lady Charnas, et celle-ci conseilla. « Embrassez-le, mon enfant, puisque vous ne lui avez pas dit non, une seule fois. » Quand elle conta l'histoire de ses romanesques fiançailles, plus tard, jamais Lady Charnas ne manqua de dire que le baiser dont elles furent scellées lui donna l'illusion, un éclair, d'avoir vu s'éveiller les yeux endormis d'Algernon Baylord. C'était La Clairvoyance, par Charles-Henri Hirsch.